On est mercredi après-midi. Oui, c'est bien les mercredis. J'ai l'impression que ça fait comme des années que j'ai pas été en onde avec vous. Mais non, on est de retour dans l'émission En piste avec Tania Baudin. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes pas trop ennuyés de l'émission pendant qu'on était en vacances durant... je pense que ça a duré 2 semaines approximativement. Oui, je pense que c'est vraiment le temps que j'ai pris une petite pause. Parfois, c'est bien. Puis de toute façon, bien, c'est ce que le médecin m'avait recommandé pour ma voix. Alors, je suis très, très contente de vous retrouver dans l'émission En piste avec Tania Baudin. Un petit peu comme à chaque semaine avant que je quitte pour quelques temps, eh bien, on va discuter, bien évidemment, de course automobile. Et j'espère que vous le savez parce que c'est une émission entièrement dédiée à la course automobile, aux véhicules routiers. Ça fait quelques temps, malheureusement, qu'on n'a pas eu encore d'essais routiers. Je travaille fort pour vous, pour que l'on puisse revenir avec cette formule-là. Je sais que l'année dernière, c'était quand même une formule très, très aimée de plusieurs d'entre vous. Qu'est-ce que c'était exactement? Eh bien, pour ceux qui ne sont pas nécessairement au courant, je prenais une voiture, j'avais une entente avec un certain concessionnaire et j'allais faire des essais routiers, puis je vous en parlais durant l'émission, comme ça, je pense que c'était le mercredi, pareil, cette année-là, l'année dernière. Ou c'était peut-être le jeudi. Je pense que c'est le jeudi après-midi. Mais bon, tout ça pour dire que c'est une formule qui manque à certains. J'en ai entendu parler, mais sachez-le, pour vous qui m'aviez écrit, j'y travaille très fort. J'essaie de contacter peut-être un autre concessionnaire de voiture ou recontacter le même. Donc, on est en discussion et j'espère pouvoir revenir avec ça, justement, parce que c'était quand même très bien. Puis ça mettait aussi de la diversité dans l'émission. On parlait pas nécessairement simplement de course automobile, mais pour les amateurs de course automobile qui sont parmi nous, premièrement, je tiens à vous remercier de m'écouter semaine après semaine. C'est très, très apprécié. Et j'espère que vous appréciez aussi ce que l'on vous présente. Comme je le disais en début d'émission, ben Ça fait un petit temps hein, qu'on a manqué, donc je vais essayer de refaire un récapitulatif de ce qui s'est passé durant peut-être les dernières semaines, puisqu'on n'était pas nécessairement là. La dernière émission qui avait été diffusée, c'est, si je me souviens bien, on parlait du retour, on avait discuté, entre autres, de la Formule 1, parce que, si je me souviens bien, c'est le mercredi après la Formule 1. On avait discuté aussi du NASCAR qui allait avoir lieu à Icar. Donc, on est dans ces eaux-là. C'est un petit peu de ce dont on va faire le retour pendant l'émission. Et comme à chaque semaine, bien, je vais vous dire qu'est-ce qui vous attend pour la prochaine heure parce qu'on est ensemble jusqu'à 15 heures. Donc, comme je viens de le dire, on va faire un retour sur ce qui s'est passé durant le week-end, mais aussi peut-être un petit peu plus loin puisqu'on a manqué quelques temps ensemble en onde. Donc, entre autres, on va discuter justement du Grand Prix Icar qui a eu lieu il y a 2 semaines. On va aussi parler karting, on va parler Nissan Micra, c'est une série que l'on aime beaucoup discuter ici dans l'émission. On va parler bien évidemment de la Formule 1, je pense que c'est un incontournable, on se doit de parler de Formule 1. On va parler de NASCAR Canada, entre autres Icar, mais aussi ce qui s'en vient dans le futur, dans l'émission, donc vous allez voir. On va aussi jaser karting, mais peut-être pas nécessairement en faisant un retour sur certains événements. On va vraiment plus... J'ai comme l'impression que je vais vous lancer... Je vais vous lancer une question et vous aurez le choix de soit me répondre en onde sur les réseaux sociaux ou encore tout simplement faire comme vous le faites bien souvent, m'envoyer vos impressions sur la page Facebook par la suite, donc c'est-à-dire après l'émission. Il y a beaucoup d'entre vous qui aiment bien faire ça, mais sachez que si vous voulez le faire durant l'émission, il n'y a aucun problème. Je suis devant mon ordinateur et je vois les messages s'afficher sur la page Facebook d'En piste avec Tania Baudin. Alors, si jamais il y a quoi que ce soit, bien, gênez-vous surtout pas. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, ça montre une certaine interaction aussi. Donc, de ce côté-là... vous allez pouvoir avoir l'occasion de donner vos opinions sur un sujet qu'on discute quand même assez souvent, qui est le karting. Comme à chaque semaine ou chaque émission, du moins, on va entendre bien évidemment de la musique country. Alors, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous aimez ça aussi. Puis, si vous êtes du genre à découvrir de nouveaux artistes du style country, mais surtout, gênez-vous pas. Envoyez-moi des titres, envoyez-moi des artistes. Moi, j'aime bien vous faire découvrir de nouveaux artistes et découvrir surtout des gens que l'on connaît pas nécessairement dans le monde du country. Dans l'Ouest canadien, là, c'est gros. Puis il y a plusieurs noms qu'on ne connaît pas nécessairement ici au Québec. Donc, j'aime bien vous les faire découvrir. Si vous êtes un petit peu passionné comme moi de ça, bien, ça serait super que vous m'envoyiez des noms. Et on va faire, bien évidemment, le tour du web, qui est comme une espèce de petite capsule que j'ai ajoutée cette année. Parce que, oui, les sites Internet du monde de la course automobile deviennent de plus en plus nombreux, que ce soit québécois, que ce soit canadien ou encore international. Et c'est quelque chose que j'aime bien, de pouvoir donner tout simplement une espèce de petite plateforme à nos journalistes québécois qui écrivent sur le sujet. Et bien souvent, ce que ça donne, c'est... ça donne des articles vraiment très intéressants et on peut en discuter en onde. Alors, merci à nos chers amis. Je fais une salutation à nos chers amis journalistes en course automobile, eux aussi. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, eh bien, bienvenue à En piste avec Tania Baudin. Comme je le disais, il y a une raison particulière pour laquelle je suis partie pendant quelques temps. J'ai pris quelques vacances et ça se peut durant l'émission que vous m'entendiez tousser. C'est juste normal, je crois. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, ben je tiens à m'excuser à l'avance et ça se peut que je m'étouffe. Voilà, c'est dit. comme je le disais tout à l'heure, eh bien, on va tout simplement faire le retour du week-end sur les différents événements qui se sont produits. Semaine après semaine, je pense que c'est quand même assez difficile maintenant d'essayer de tout suivre en direct. On le sait qu'avec les médias sociaux, c'est quand même assez plus facile de pouvoir tout suivre ce qu'on veut suivre en onde, que ce soit sur Internet, que ce soit sur Facebook, Twitter ou peu importe. Mais quand on est un gros amateur de course automobile, c'est quand même assez difficile vraiment de pouvoir suivre ça minute à la minute. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé en fin de semaine parce qu'encore une fois, on avait un bon week-end rempli d'événements différents dans le monde de la course automobile. Entre autres, il y avait le Grand Prix de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni. Je me souviens plus trop lequel est lequel, mais je pense que c'est le Grand Prix de la Grande-Bretagne, parce qu'en anglais, c'était The Britain Grand Prix. Puis, bien évidemment, Lewis Hamilton était le chouchou de la fin de semaine, parce que c'était chez lui, bien évidemment. Donc, les fans étaient très, très, très présents de ce côté-là. Les fans de Lewis Hamilton étaient présents, mais ceux qui n'aiment pas nécessairement Nico Rosberg, présentement, étaient là aussi. On a pu voir... c'est quand même quelque chose d'humoristique que j'ai trouvé très, très drôle. On a pu voir quelques photos sur Internet montrant un grand panneau qui avait été fait par des fans où il était inscrit « Nico, fais attention, oublie surtout pas de tourner, il y a un virage qui s'en vient ». Donc, pour ceux qui ne sont pas nécessairement au courant, depuis quelques événements maintenant entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg, il y a quelques touchettes à plusieurs reprises. Ça crée des incidents, mais j'ai comme l'impression qu'au sein de l'équipe, ça ne doit pas être super le fun à vivre. Là. Mais c'est pour ce qui est du spectacle de la Formule 1, c'est génial. Ça donne un spectacle qu'on avait pas vu en Formule 1 depuis des années. Puis j'ai comme un peu l'impression que c'est peut-être pour ça qu'on le voit de façon de plus en plus humoristique. C'est que les gens, pendant très longtemps, ont vu la Formule 1 comme étant une course de parade, comme étant une course très, très plate. Et depuis quelques temps, justement, bien, il y a ce genre de situations-là qui arrivent et qui font en sorte que ça devient le fun, regarder une course de Formule 1 maintenant. Il y a quelques années, on n'avait plus ça. On savait qui allait être en avant, on savait qui allait être en arrière. Et c'était tout simplement, justement, une parade, disons-le comme ça. Le premier partait, puis il y avait vraiment un grand écart entre les premiers, deuxième, troisième. Mais là, de plus en plus, on voit que cette année, en 2016, ça se resserre. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi du côté du Grand Prix de la Grande-Bretagne. C'était très serré entre Max Verstappen et Nico Rosberg. Max Verstappen se retrouvait à ce moment-là en troisième position. Je m'excuse à ceux qui enregistrent les courses. J'espère que vous ne m'écoutez pas à chaque semaine parce que si vous vous enregistrez et que vous n'avez pas encore écouté les courses, bien automatiquement, je vous vole quasiment tous les punchs de la fin de semaine. Donc peut-être... je ne veux pas vous dire de partir, mais peut-être baisser le son si vous ne voulez pas entendre qui a gagné puis qui n'a pas gagné. Ou peut-être vous arrangez pour écouter la course avant le mercredi après-midi. Ça serait super. Mais tout ça pour dire que Max Verstappen se trouvait en troisième position. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on en a déjà discuté dans l'émission. On en a déjà discuté aussi sur la page Facebook dans Piste avec Tania Baudin. Max Verstappen, qui est un pilote qu'on regarde beaucoup, c'est le plus jeune pilote présentement en course automobile. Et je vous avais dit il y a quelque temps, je me demandais si ça allait peut-être faire comme un one-hit wonder, c'est-à-dire qu'il allait gagner une fois une course et par la suite, ça allait pas super bien aller pour lui au courant de la saison. Eh bien là, il est en train de nous prouver vraiment qu'il a l'équipe, qu'il a la voiture et qu'il a le talent aussi pour rouler avec ceux qui sont en avant. Il y a quelques années, on n'aurait jamais dit qu'un pilote de 18 ans pourrait être dans le top 5 à quasi chaque événement de Formule 1. Et présentement, c'est quelque chose qui se produit. Donc, de ce côté-là, Max Verstappen s'est vraiment très, très bien débrouillé cette fin de semaine. Il était d'ailleurs en nomination contre Lewis Hamilton pour le pilote ayant le mieux piloté durant la fin de semaine. Là, c'est le Grand Prix de Bretagne, le Grand Prix de la Grande-Bretagne. Je sais pas si, d'après moi, c'est Lewis Hamilton qui va la remporter, celle-là, parce que justement, il était chez lui. Mais il faut le dire, Max Verstappen s'était très bien débrouillé et il était quand même très, très près de Nico Rosberg. Puis c'est un petit peu là où que je veux en venir aussi, c'est qu'il y a eu une grosse histoire autour de Nico Rosberg pendant justement une bataille avec Max Verstappen où Nico Rosberg a eu quelques problèmes mécaniques avec sa voiture et a tout simplement demandé à son crew chief, donc c'est-à-dire son chef d'équipe au puits, qu'est-ce qui se passait? Et on a tout simplement répondu, bien passe pas en septième, saute la septième, continue, ça va bien aller. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'il y a un article du règlement de la Formule 1 qui dit qu'un pilote de course doit piloter seulement par lui-même, à moins qu'il y ait un incident qui va être créé par ce bris mécanique-là. Donc, ce qui arrive, c'est que si tu sais que tu as un certain bris mécanique et que tu vas peut-être, je sais pas moi, rentrer dans le gars qui est en avant de toi ou tu vas tout simplement crasher ton auto, eh bien, à ce moment-là, on va prendre sous observation ce qui s'est dit et qui était peut-être pour pouvoir aider le pilote à tout simplement éviter l'accident. Par contre, à ce moment-là, en fin de semaine, Nico Rosberg n'était pas dans une situation où il allait mettre la voiture en danger. Il allait mettre aucun pilote en danger. Il voulait tout simplement savoir qu'est-ce qui se passait et on lui a tout simplement répondu comment piloter la voiture. Et c'est à ce moment-là que les officiels de la série Formule 1, bien évidemment, ont pris la décision de donner une pénalité d'après-course à Nico Rosberg. Donc, il a quand même franchi la ligne d'arrivée en deuxième position. Par contre, on lui a infligé une pénalité de, si je me souviens bien, c'était 10 secondes, ce qui fait qu'il tombait 10 secondes ou 2 secondes. Je sais qu'il y a eu plusieurs discussions par rapport à ça, mais ça le recalait en troisième position. Donc, Max Verstappen a pris la deuxième place à la suite de cette décision-là et je suis vraiment très contente pour lui. Bien évidemment, j'imagine que vous vous en doutez, mais Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de la Grande-Bretagne à la maison. C'est quelque chose qui, année après année, est très, très significatif pour lui, puis il le disait après course. Alors, de ce côté-là, je pense qu'on peut même... Tu sais, oui, on peut le féliciter, mais Lewis Hamilton s'est rendu un gars vraiment très habitué de rouler en avant. Je sais que certaines personnes n'aiment pas nécessairement l'attitude de Lewis Hamilton, que ce soit sur la piste ou à l'extérieur de la piste. Par contre, on doit lui donner ce qu'il a. C'est un pilote qui est très, très, très constant. C'est un pilote avec beaucoup de talent et j'ai comme l'impression que justement il veut démontrer, parce qu'il est très serré dans les points au classement général avec Nico Rosberg présentement, j'ai comme l'impression qu'il veut démontrer qu'il est meilleur que Nico. Et ce qui se passe présentement, ben, c'est qu'il est en train de le faire. J'ai hâte de voir où ça va aller. Sérieusement, la saison n'est pas encore terminée. Mais pour ce qui est de la Formule 1, le Grand Prix de Bretagne, c'était quelque chose à voir. Si vous ne l'avez pas vu, bien, je vous dirais tout simplement d'aller voir des clips sur Internet. Vous pouvez en trouver un petit peu partout. Du côté de Mosport, eh bien, il y avait le IMSA américain qui est débarqué, mais il y avait aussi notre fameuse série québécoise canadienne, la Nissan Micra. Là aussi, de ce côté-là, on a eu plusieurs épreuves qui ont amené peut-être à certaines pénalités. Tout ça, eh bien, c'est Xavier Coupard qui a gagné la première épreuve et par la suite, c'est Olivier Bédard. Donc, Olivier Bédard, qu'on a eu quelques reprises dans l'émission en entrevue. Il disait justement en entrevue, il n'y a pas très très longtemps, c'est je pense qu'avant qu'on parte en vacances pour l'émission, il nous disait justement qu'il veut regagner les points au championnat pour pouvoir mieux se classer. Et je pense que ça va très bien pour le moment pour Olivier Bédard. Il y a un autre pilote pour qui ça va super bien présentement, c'est Kevin King. Lui aussi est en train de pouvoir monter de plus en plus haut au classement du championnat. Mais j'ai très, très hâte de voir parce que ça va être extrêmement serré. Et si je me souviens bien, la prochaine épreuve de la Coupe Nissan Micra va être au Grand Prix de Trois-Rivières. Attention! Au Grand Prix de Trois-Rivières. Nissan Micra. Moi, là, je trouve tellement que c'est un super beau spectacle année après année. L'année dernière, ils étaient là. Et si je me souviens bien, encore une fois, il y avait au-dessus d'une vingtaine de voitures. C'est spectaculaire. Sérieusement, si vous étiez dans le monde de la course automobile dans le temps qu'il y avait la fameuse Toyota Echo, la coupe Toyota Echo, c'est un petit peu semblable à ça. C'est spectaculaire parce que bien souvent, on va arriver à faire du deux roues. Oui, oui, sachez-le, pour ceux qui connaissent pas nécessairement ça. On va arriver à faire du deux roues et c'est souvent des pilotes qui sont très, très, très téméraires. C'est des pilotes qui, on le sait, on gagne pas une course au premier virage. Par contre, on va tout le temps, pendant tout au long de l'épreuve, tenter le tout pour le tout et pouvoir aller chercher le plus de positions possible parce que ce sont des voitures qui sont réglementées au même calibre, côté mécanique aussi. Donc, de ce côté-là, en théorie, toutes les voitures sont égales. Donc, ce qui crée justement une espèce de mouvement de spectacle, c'est l'opportunité de pouvoir dépasser un pilote et un autre pilote très, très rapidement. Bien, c'est quelque chose de possible. Donc, de ce côté-là, c'est, comme je le disais, c'est quelque chose qui est vraiment spectaculaire sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Et soyez là, tout simplement. Peut-être que je vais leur donner de la petite pub gratuite, là. Soyez là. Vous allez voir, c'est vraiment très, très impressionnant. Et ce sont des pilotes, comme je le disais, très talentueux. Et il y en a qui ne sont pas à leur première épreuve au Grand Prix de Trois-Rivières. Il y en a plusieurs qui ont déjà coursé dans d'autres séries, que ce soit je vais pas dire en open wheels, mais je vais le dire, là. Que ce soit en Formule 1600 ou que ce soit dans d'autres séries, on retrouve dans cette série-là vraiment des pilotes d'extrême talent, des pilotes qui sont au courant de justement comment est-ce qu'elle se prend cette piste-là. Et c'est un petit peu aussi le challenge de la piste, c'est que le circuit de Trois-Rivières est quand même assez challengeant pour un pilote. Apparemment que les murs de béton sont très, très près des voitures. Alors, c'est vraiment tout le temps très impressionnant à voir. Du côté du karting, eh bien, il y avait une épreuve du Eastern Canadian Karting Championship. Oui, oui, je l'ai dit au complet. Le ECKC, qui était à Mont-Tremblant en fin de semaine. Et l'équipe PSL Karting Birel a vraiment triomphé. On le sait, depuis quelques temps, Birel et PSL Karting se sont comme associés aussi avec Ben Cooper Racing. Alors, Birel Art a vraiment triomphé tout au long de la fin de semaine. Je pense qu'il y a plusieurs podiums qui étaient complètement de rouge vêtu, disons-le, parce que leurs habits sont rouges et blancs. Donc, ça s'est vraiment très bien passé. Il n'y a pas eu de gros accidents. Il n'y a pas eu de chicanes en tant que telles. C'est sûr que c'est de la course automobile. Donc, à un certain point, si on veut discuter de certains résultats ou de certaines situations en piste, ça arrive. C'est pas... c'est pas nouveau ou c'est pas quelque chose qui n'arrive pas. Mais par contre, j'ai déjà vu pire qu'en fin de semaine. Ça s'est super bien déroulé. J'ai resté surprise quand même du nombre de pilotes. Épreuve après épreuve, ou ici qui ici, en discutant avec les gens, en discutant avec les autres médias qui sont là. Je pense entre autres à Cody Schindel de Canadian Karting News. Je pense entre autres à plusieurs autres personnes, pas opposition, tout ça. Lorsqu'on discute avec ces gens-là, on se rend compte que le nombre de participants diminue de plus en plus. Et c'est un petit peu ce dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans l'émission. C'est peut-être, est-ce qu'on serait en train de tuer le sport à un certain point? Je vais vous poser cette question-là tout de suite, si jamais vous voulez aller vous prononcer sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Mais sachez-le, là, je parle de vraiment juste en karting. Est-ce qu'on est en train d'aider le sport, selon vous, ou on est plutôt en train de le réduire à quelque chose qui n'est peut-être pas le meilleur de sa forme, disons-le comme ça. Donc, allez sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin, si jamais ça vous intéresse. Plus tard, dans l'émission, on va faire un segment sur le karting et je lirai certains des commentaires que j'aurai reçu. Mais comme je le disais, c'est un événement qui, les ici qui ici, bien évidemment, c'est compétitif. Ce sont des pilotes qui sont là pour pouvoir gagner une passe pour aller au championnat du monde. Donc oui, c'est vraiment très spectaculaire. Par contre, il y a de ces pilotes qui ont surpris en fin de semaine. J'ai vraiment le goût de dire ça, qui ont surpris le public qui était là, quoiqu'il n'y avait pas un immense public. Mais ce sont des pilotes qu'on n'est peut-être pas nécessairement porté à regarder en temps normal lorsqu'on connaît le sport et lorsqu'on est à un événement de karting. Il y a certains pilotes qu'on est très, très habitué de voir à l'avant. Il y a certains pilotes qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir à l'arrière. Mais là, en fin de semaine, on a vu des pilotes qui se sont très bien débrouillés. Je pense entre autres à Nathaël Quentin, qui a vraiment été... excusez-moi l'expression, mais A1, dans la catégorie DD2. Premièrement, Nathaël Quentin a fait le saut en DD2. Là, moi, je pensais pas que Nathaël avait l'âge pour aller en DD2, mais il est vraiment très impressionnant. Ça paraît qu'il travaille très, très fort et il a su compétitionner avec un gars comme Jeffrey Kingsley qui est vraiment très habitué de rouler à l'avant en DD2 et dans toute catégorie confondue qui va s'asseoir dans un kart, en fait. Là. Jeff Kingsley est un pilote extrêmement talentueux. Mais de voir Nathaël Quentin au même niveau que Jeff Kingsley et des autres pilotes dans la catégorie des D2, on s'entend, c'est sa première saison. C'est très, très impressionnant et c'est surtout, j'ai goût, je veux pas dire émouvant, là, parce que j'aurais l'impression d'être une vieille matante, mais c'est vraiment, je trouve ça très, très le fun à regarder parce que ça nous montre vraiment que nos pilotes québécois que l'on a connus tout petits dans les petites catégories de karting commence justement à être de ceux que l'on pourrait voir plus tard dans d'autres séries, que ce soit en Formule, que ce soit justement en Nissan Micra ou dans d'autres séries quelconques. Ce sont des pilotes qui commencent à se démarquer et c'est vraiment très impressionnant de voir ça. Je pense aussi à Marco Signoretti qui est un pilote ontarien. On a été habitué de voir Marco Signoretti très bien performer lorsqu'il était dans les catégories juniors. Lorsqu'il a fait le saut pour la catégorie Rotax Senior, ça s'est peut-être moins bien passé, tu sais, un temps d'adaptation puis tout ça, mais là vraiment on sent que l'adaptation pour Marco Signoretti est terminée parce qu'il a vraiment performé au plus haut point de sa forme, j'ai goût de dire, en fin de semaine, que ce soit en Briggs Senior ou en Rotax Senior, justement, c'est un pilote qui a roulé au devant vraiment toute la fin de semaine. Donc, pour le championnat, parce qu'il reste quelques courses, pour le championnat, c'est vraiment un pilote à garder en tête, à regarder. Il va vraiment impressionner plusieurs personnes, j'ai l'impression, durant le restant de la saison. Alors, on va devoir garder un œil sur ce pilote-là aussi. Je vous disais tout à l'heure que ça fait quelques temps que l'on sait pas, on sait pas parler, hein? Vous me parlez pas beaucoup, vous en ondes, mais moi je vous parle pas mal. Donc ça fait quelques temps que je vous ai pas parlé, mais il y avait la NASCAR Pinty's du côté d'Icar. Ça allait être le Grand Prix Pinty's Icar, le Eco Unlimited 100. Et Andrew Ranger a remporté l'épreuve devant, deuxième position, Alex Labbé, troisième position, Kevin Lacroix, un podium québécois. Québécois sur un circuit routier. On le sait, nos pilotes québécois en NASCAR sont très, très forts. Mais j'ai vraiment été contente de voir à quel point nos pilotes québécois se sont peut-être pas laissés manger la laine sur le dos. Ça l'a peut-être moins bien été pour certains autres pilotes québécois. Je pense entre autres à Alexandre Tagliani qui a terminé en sixième position. Mais il y a cette fameuse... Je ne veux pas dire légende, mais il y a vraiment cette espèce de fameux mythe là autour des pilotes québécois, comme quoi on est extrêmement fort sur les circuits routiers. Et lorsqu'on arrive sur Oval, peut-être qu'on a un petit peu plus de difficultés. Peut-être que les pilotes ontariens sont peut-être un petit peu plus meilleurs que nous. Mais on apprend vraiment à nos pilotes québécois présentement dans la série NASCAR Pinties à rouler sur Oval et il y a de très bons résultats. Mais tout ça pour dire que du côté d'Icar, ça s'est super bien déroulé. Très belle fin de semaine. Il faisait super chaud le jour de la course. Moi, j'étais là dans un suit anti-feu en faisant de la télévision, à courir les pits et j'ose même pas imaginer comment les gars devaient avoir chaud dans leur voiture. Ce sont des voitures qui, justement, chauffent très, très, très rapidement. Donc, ça devait être assez insupportable de ce côté-là. Mais l'épreuve de Icar, c'est quand même une épreuve courte. C'est une épreuve approximativement de 30 tours. C'est une très longue piste. Alors, de ce côté-là, c'est pas un événement qui va nous permettre de faire un arrêt au puits, arrêter vraiment comme steady pour tout le monde. Un petit peu comme dans le genre du Grand Prix Trois-Rivières, c'est un petit peu le même style. On n'a pas nécessairement besoin de faire d'arrêt au puits. Donc, de ce côté-là, pour les pilotes, c'est peut-être un petit peu plus le fun. C'est qu'on reste sur la piste et vraiment, on va pousser la limite de notre stratégie de course au maximum. Et ça s'est vraiment super bien passé. Alors, encore une fois, on lève notre chapeau à Andrew Ranger qui, lui, reprend les devants au classement général de la saison. Ça se passe bien jusqu'à présent. Il a gagné Mosport. Il avait terminé, si je me souviens bien, sixième du côté de Chaudière après un accrochage. Donc, de ce côté-là, pour Andrew Ranger, on reprend vraiment les rênes du classement général et on va devoir regarder et porter attention à comment est-ce que ça se passe en fin de semaine du côté de Toronto. Oui, oui, en fin de semaine. Je vais vous expliquer tout ça plus tard dans l'émission. Mais pour le moment, je vous parlais qu'ici, à En Piste avec Tania Baudin, on aime le country. Et sans plus attendre, eh bien, on va aller écouter Truck Yeah de Tim McGraw. On my iPod, thumping on the subs in the back of my crew cab. Redneck rocking like a rock star, sling a little mud off the back, we can do that. Friday night football, Saturday last call, Sunday hallelujah. If you like it up loud and you're hillbilly proud, then you know what I'm talking about. Let me hear you say, truck, yeah, wanna get jacked up, yeah, let's crank it on up, yeah. With a little bit of luck, I can find me a girl with a truck, yeah. This life I love is a little too country. Truck, yeah. Our party in the club is a honky-tonk downtown. Yeah, that's where we like to hang out. Chilling in the back room, hanging with my whole crew, sipping on a cold brew. Hey now, got a mixed up playlist. DJ, play this. Wanna hear a country song? You lock it up loud and you hear Billy proud. Throw your hands up now, let me hear you shout. Truck, yeah, wanna get jacked up, yeah, let's crank it on up, yeah. With a little bit of luck, I can find me a girl in the truck, yeah. We can love it on up, yeah, till the sun comes up, yeah. And if you think it's life, our love is a little too country. country, city farm. It don't matter who you are. Got a little fight, got a little love, got a little redneck in your blood. Are you one of us? Yeah, I wanna get jacked up. Yeah, let's crank it on up. Yeah, with a little bit of luck, I can find me a girl in the truck. Life I love is a little too country. You're not on the money. Truck, c'est ça. 89,1. Vous êtes de retour. En fait, vous avez même pas quitté. Merci beaucoup, je sais. Vous êtes de retour en piste avec Tania Baudin. Évidemment, je suis Tania Baudin. Et on est ensemble jusqu'à 15h. Tout à l'heure, je vais avoir une entrevue avec le pilote de NASCAR, Patrick Dussault, qui est justement en route pour le Toronto Indy. Sachez-le, oui, après quelques années d'absence, NASCAR a décidé de retourner sur le fabuleux tracé de Toronto. Alléluia! Alors, j'ai très, très hâte. Tout à l'heure, dans quelques instants, on va s'entretenir avec le pilote. Mais tout d'abord, je vous parlais, avant que j'ai goût de faire un segment sur le karting. J'ai goût de savoir, selon vous, si ça se passe bien présentement pour le karting au Québec, au Canada. C'est venu, cette question-là, après quelques discussions, justement, avec les gens autour de la piste ce week-end. Je vous le disais, j'étais du côté de Mont-Tremblant pour l'événement du ECKC. Que ce soit un événement gros comme ça en termes de compétition, que ce soit un événement gros comme ça en termes de participants, j'ai l'impression à un certain point que année après année, on a peut-être de la difficulté à faire justement vivre cette espèce de flamme-là pour ce qui est d'aller voir des événements de karting, pour ce qui est d'amener du monde à ces événements-là. Et je discutais d'ailleurs avec... Justement, tout à l'heure, je le disais avec Cody Schindel de Canadian Karting News, et on se disait que on a toujours cette espèce de vague-là dans le monde du sport automobile en karting, qui est approximativement une vague aux 5-6 ans, qui est de que ce soit très, très, très, très, très populaire, que ce soit que le Rotax soit très, très, très populaire. Par la suite, ça va descendre la popularité dans les catégories Rotax, et on va vraiment avoir une hausse du côté du nombre de participants, du côté du Briggs & Stratton, c'est-à-dire ce qui est un petit peu plus lousse sur le portefeuille, je voudrais dire. C'est peut-être un petit peu moins compliqué façon budgétaire de courser en Briggs & Stratton que ce l'est avec un moteur Rotax dans certaines catégories Rotax. On est venu à la discussion, en fait, de savoir si, justement, cette fameuse catégorie de moteur-là, je veux pas dire monopole, mais quasiment ce fameux manque de diversité des moteurs-là qui est ici au Canada Rotax, est-ce que ça vient pas justement amener un désavantage pour certains pilotes qui aimeraient justement faire de la course automobile, débuter en karting? On le sait, si on veut débuter présentement en karting au Québec, au Canada, on a deux choix. On commence soit en micro, c'est-à-dire que ça, c'est une catégorie Rotax. Donc déjà, en partant, on va avoir un prix X qui est quand même assez cher, hein, ou on va y aller avec du Briggs & Stratton Junior. On a vraiment seulement deux choix, par contre. Ce qui est vraiment... J'ai comme l'impression que c'est là peut-être qu'on a un manque. C'est pour ceux qui commencent. Si on veut amener des pilotes à se rendre très, très loin dans certaines catégories de karting ou dans certaines catégories de compétition, au tout début, lorsqu'on offre quelque chose à quelqu'un, on devrait peut-être avoir plus de choix que simplement deux. Il y en a un qui coûte super cher, l'autre coûte peut-être moins cher, mais il y a peut-être moins de compétition du côté de celui qui coûte moins cher. Parce que, justement, on a ce côté compétition-là du côté de celui qui coûte plus cher. Donc, si un jeune veut commencer, déjà en partant, puis avoir de la compétition, puis se demander qu'est-ce que c'est que de rouler avec, disons-le, entre guillemets, avec du trafic autour de nous, bien, on va y aller avec du Rotax. Par contre, le Briggs & Stratton Junior, c'est vraiment complètement différent. Donc, est-ce que de ce côté-là, on dirait que le sport qu'est le karting, est-ce qu'on pourrait le clarifier ou le catégoriser d'être en bonne santé présentement. Ce que nous, on déterminait avec mon cher ami de Canadian Karting News et certains autres, que ce soit pilotes ou mécanos avec qui on discutait, c'est qu'on disait oui, ça semble être en bonne santé, ça semble être la vague normale que le sport a. Par contre, ce qui vient tout autour, tu sais, tout ce qui vient autour, l'hébergement, tout ça, c'est sûr qu'un championnat comme le ECKC, ça amène des budgets de voyagement, ça amène des budgets d'hôtels, de restaurants, tout ça. Ça, c'est quasi normal. C'est comme quelqu'un qui va faire un tournoi de hockey. Par contre, est-ce que je pense que je vais juste vous poser la question, est-ce que c'est normal selon vous de charger extrêmement cher à des personnes pour rentrer à un endroit où on veut que le sport soit en meilleure santé? Je m'explique. C'est-à-dire que si vous allez à un événement du championnat justement du ECKC, que ce soit en Ontario ou que ce soit ici au Québec, on va vous demander à la porte de débourser un montant X, qui est quand même assez élevé pour les deux jours de compétition. Donc, je vous mets ça brièvement comme ça, vous allez entre autres voir des catégories Rotax, c'est-à-dire 6 catégories, si je me souviens bien, micro, mini, junior, senior et DD2. Donc, quand peut-être DD2 Masters aussi, si on les met tous ensemble, là, ça fait approximativement 7 catégories Rotax et vous allez avoir 3 catégories Briggs & Stratton Masters. Si vous avez, par exemple, un enfant, parce que j'imagine qu'il y en a qui nous écoutent qui ont des enfants et qui sont intéressés par aller voir qu'est-ce que c'est qu'une fin de semaine de compétition, à quel point est-ce que vous seriez prêt à débourser par tête de votre famille pour rentrer à un événement de ce style-là? Je vous pose la question parce que j'ai trouvé ça quand même assez chérant en arrivant là-bas. Pour vous donner comme une échelle de comparaison, pour rentrer à un événement de karting pendant 2 jours présentement, c'est approximativement le même prix qu'un billet d'admission générale au Grand Prix de Trois-Rivières. Oui, il y a des criquets qui crient présentement. Je me le demande. Je me suis posé la question. J'ai posé la question à plusieurs personnes qui étaient là durant la fin de semaine. Si on n'est pas nécessairement attitré, par exemple, à un pilote, si on n'est pas nécessairement un mécano, quand même bien qu'on soit simplement un parent, on va devoir débourser ce montant X-là pour aller à cet événement-là. Est-ce que c'est vraiment la bonne façon de faire vivre un sport où on est censé être au début du sport? T'sais, on amène des gens dans cette espèce d'optique-là de se dire « Ah, ça va être le fun. Écoute, papa, j'aimerais ça aller voir la manche du championnat de l'Est du Canada qui se déroule à Mont-Tremblant demain. » En arrivant là-bas, si on arrive à la porte et on vous dit « Ah, bien monsieur, vu que vous êtes 4 dans votre voiture, ça va vous faire 150 $ Est-ce que vous seriez du genre à dire « Ah ben oui, rien de moins, je vais sortir mon 150 $, je vais le donner, puis je vais aller voir des courses de go-kart. » C'est une question que je me pose, c'est une question que plusieurs se posent présentement, que ce soit impliqué dans le sport du karting ou que ce soit tout simplement le public X extérieur qui se pose la question. J'ai comme l'impression qu'on devrait peut-être revoir cette formule-là. Est-ce que si on revoit cette formule-là, on amènerait plus de gens à se dire « Ah ben tu sais, finalement, aller voir un événement de karting, c'est plaisant puis c'est un bel événement en famille à faire. » Donc est-ce que j'ai posé la question sur Facebook, sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Allez faire un tour, donnez-moi vos opinions. Je vais les lire, je vais vous répondre. Ça, c'est sûr et certain. Mais comme je le disais, c'est quelque chose que j'ai comme l'impression qui crée problème. Et plusieurs personnes aussi autour de la piste, comme je le disais tout à l'heure en fin de semaine, se sont dit que peut-être qu'on voyait pas les choses comme elles devraient être. C'est-à-dire que oui, le karting, c'est du karting. C'est un sport qui, à la base, va coûter plus cher que de simplement aller, par exemple, jouer au tennis, là, mettons, dans un parc. Mais est-ce qu'on demande les charges aux bonnes personnes? Voilà, je vous pose la question, je vais vous laisser répondre, puis qui sait, peut-être que la semaine prochaine, on va y revenir. On va faire une courte pause musicale avec Low Cash et la pièce I Love This Life. Et au retour, on parle avec Patrick Dussault. Days. I love that little white church out on 109. It's where I hit my knees and I thank the Lord for this life of mine. Vous êtes toujours en onde à Cifou 89.1 FM pour l'émission En Piste avec Tania Baudin. On est ensemble jusqu'à 15h, donc il reste simplement quelques minutes à l'émission, quelques segments restants. Et tout à l'heure, je vous disais que justement, en fin de semaine, la série NASCAR canadienne, c'est-à-dire NASCAR Pinties, allait faire un retour sur une piste où on a déjà été pendant plusieurs années, mais on a été absent pendant de très longues années. En fin de semaine, la série NASCAR Canada va se... se diriger vers le centre-ville de Toronto, un endroit où il va y avoir le Toronto Indy, bien évidemment, IndyCar. Donc, NASCAR ne sera pas le seul événement là-bas. Par contre, on est vraiment très contents d'y retourner. C'est un super beau tracé. Et je vous disais aussi qu'on allait avoir au téléphone avec nous le pilote Patrick Dussault. Patrick, ça va bien? Ça va bien, toi, Tania? Oui, merci. Pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins habitués là, au nom Patrick Dussault parce que tu viens d'arriver en NASCAR Pinty's, dis-moi, c'est quoi un petit peu ton background de course automobile? Bien, NASCAR, c'est ma première année en stock car, évidemment. Mon background, c'est plus en monoplace, en formule. Les deux dernières années de ma carrière, je les ai passées en Angleterre, en Europe, en formule Renault et en formule 1600, l'an passé, justement, en étant vice-champion de la série 1600 britannique. Donc, mon background, c'est plus un petit peu, je te dirais, la monoplace. Mais j'ai touché un petit peu pas mal à tout ce qui existe en course automobile, là, que ce soit en série d'endurance, des bolides de haute performance, là, d'endurance GT, des prototypes ou maintenant le stock car. J'essaie de toucher un petit peu à tout pour m'imposer dans n'importe quelle discipline automobile. Bien, justement, après avoir passé autant d'années du côté de l'Europe, tu es revenu ici au Québec, puis tu as décidé de justement faire de la NASCAR. Qu'est-ce qui t'a amené à la NASCAR Canada? Bien, c'est la série la plus compétitive puis la plus professionnelle du pays. Mm-hmm. Pour moi, j'ai toujours été vers les challenges, là, vers la meilleure compétition possible. C'est ça la raison pourquoi j'ai été en Europe. C'est pour compétitionner contre les meilleurs au monde en Formule 500 et en Formule de Renault. Mais comme je te dis, avec le budget que j'avais cette année, moi, bon, en Europe, je peux pas vraiment continuer. C'est pas que je peux pas continuer, mais les opportunités à long terme n'étaient pas aussi payantes que ce que je pourrais faire ici au Québec ou pas seulement au Québec, mais en Amérique du Nord. Puis ce qui m'a amené à la NASCAR, c'est le deal que j'ai eu. La bonne relation avec Patrice Brisebois et Bruno Goyette là, en NASCAR qui m'a amené à avoir une bonne équipe. Puis moi, je sais qu'on peut être compétitif dans pas mal toutes les séries, donc j'étais confiant d'arriver en NASCAR. C'est une nouvelle série pour moi, c'est un nouveau challenge, comme tu dis, mais écoute, c'est une question d'adaptation, puis à date, ça va bien. Ben oui, justement, tu parlais de l'équipe, t'as parlé de Patrice Brisebois, t'as parlé de Bruno Goyette. Dis-moi, qui sont ces gars autour de là, autour de toi? Patrice Brisebois a déjà coursé en NASCAR. On t'a aussi vu du côté de Icar avec Bertrand Godin. Tu te forges une équipe assez solide là autour de toi présentement. Ouais, ben en sport auto, t'as pas vraiment le choix d'y aller à 100% parce que c'est comme ça que tu vas réussir. Mm-hmm. Pour moi, Bertrand Godin, c'est un bon ami à moi. On travaille ensemble beaucoup sur les simulateurs, puis il m'a suivi pas mal quand j'étais en Europe, puis on se connaît depuis un petit bout, mais il y a aussi Patrice avec qui je m'entraîne ici au gym. On a le même entraîneur physique, là, Stéphane Dubé, à ce niveau-là, puis on a une belle relation, un peu comme mon mentor, là, je te dirais, côté athlète, là, Patrice, c'est un exemple. Puis Bruno, qui a beaucoup d'expérience, autant en Champ Car, IndyCar que NASCAR. Donc, je me forge une équipe autour de moi qui est assez structurée. En plus d'avoir le coaché, Jonathan Côté, puis tous ces gars d'expérience, autant en sportsman qu'en NASCAR, là, tout ce qui est stock car au Québec puis au Canada, c'est selon moi, on a l'équipe qui va surprendre cette année à NASCAR Pinty's, selon mon opinion. Bien, je pense que tu as déjà commencé d'ailleurs en impressionner quelques-uns parce qu'on ne s'attendait pas justement à entendre ton nom dans aussi haut sur une grille de départ, disons-le. Puis j'aimerais savoir ton opinion à toi par rapport au fait que cette espèce de challenge-là, justement, est-ce que ça a été difficile pour toi de t'adapter d'une formule à un stock car? Non, c'est pas quelque chose qui est difficile. Je te dirais que l'adaptation, c'est plus au niveau mental. Faut que tu mettes ton cerveau un petit peu en slow motion quand t'es dans la NASCAR. Oui, c'est plus rapide en termes de vitesse, là. Mm-hmm. Mais je te dirais que au niveau des réflexes, du drainage, la façon de conduire, c'est quelque chose. T'es quand même assez très occupé dans la NASCAR, là, pour le dire. Surtout le bolide de NASCAR Pinty, c'est tout un véhicule assez difficile à conduire, mais c'est pas quelque chose de drastique, le changement. Là. C'est honnêtement, n'importe quel bon pilote qui sait quand c'est quoi être compétitif, c'est quoi rouler dans un top 10, dans un top 5, puis capable de s'adapter à une machine, n'aura pas vraiment de misère à s'adapter. Je te dirais que la seule chose, c'est l'adaptation des pneus. Mm-hmm. juste au moment où il faut utiliser les pneus. Ça, c'est quelque chose que j'étais habitué en Europe. On faisait beaucoup d'essais libres, justement, avec des nouveaux pneus pour pratiquer les qualifications. Mais quelqu'un qui est nouveau là-dedans, ce serait la seule petite touche à mettre l'emphase dessus. C'est l'adaptation du poids avec les pneus. Bien, justement, l'adaptation du poids, on s'entend, une voiture NASCAR, c'est pas mal plus lourd qu'une voiture monoplace. Est-ce que du côté entraînement, toi, ton entraînement a changé par rapport à ça? Est-ce que c'est plus dur côté physique pour la conduite? Je te dirais que c'est plus endurant. Oui, okay. C'est plus. Je peux être honnête avec toi. C'est pas nécessairement plus physique parce que on regarde des courses de monoplace qui durent le même temps. Mm-hmm. Par exemple, un IndyCar va durer aussi long, sinon un petit peu plus long même qu'une course Bentley's. Puis ces voitures-là n'ont pas de power steering, IndyCar. Donc c'est extrêmement difficile au niveau des bras puis le haut du corps, mais quand même un Bentley's c'est beaucoup plus difficile en termes d'endurance parce que t'es dans le bolide. Le pare-brise, c'est en fait six glaces. Mm-hmm. T'as juste deux fins du côté, mais tu sens rien. C'est dans okay. le sens que t'as un tuyau d'air là, sur le casque qui te donne un petit peu de vent. Là, mais en termes de conduite physique, oui, le NASCAR, c'est un petit peu plus difficile à côté endurance, mais c'est pas quelque chose qui m'affecte vraiment parce que je m'entraîne en circonstance, mais c'est je te dirais que oui, malgré l'effet chaleur, là, c'est un petit peu mm-hmm. plus difficile qu'une monoplace. Et cette fin de semaine, je le disais un petit peu plus tôt, c'est du côté de Toronto. J'ai vu sur les réseaux sociaux, tu étais déjà en direction. Quelles sont les attentes de l'équipe en fin de semaine pour toi? Bien, à cause de notre performance de ICAR, je pense que c'est là qu'on a surpris pas mal mm-hmm. groupe de personnes. C'est sûr qu'avec notre pénalité du début, bon, on était un petit peu fâchés là, au niveau de... Moi, j'étais fâché, mais... malgré tout ça, on a sorti le dixième. Là, c'est quand même c'était tout un exploit de repartir là, ah ouais, vraiment? Une dizaine de secondes après le dernier là, pour monter dixième. La voiture était exceptionnelle là, pour ce circuit-là. Puis avoir en plus on a brisé le record de l'année passée avec parlé de top 7 là, en qualif. Mm-hmm. Donc on est très très contents, mais pour Toronto, c'est un circuit que j'ai jamais fait. Mais j'ai beaucoup d'entraînement sur simulateur à Toronto, mais moi, je me suis pas au simulateur, ça donne à rien. C'est simplement une référence pour la piste. Oui, c'est ça. Honnêtement, je m'attends à une bonne performance. Je veux pas y aller trop confiant non plus, mais je suis très confiant envers moi-même, puis je pense qu'on a des outils pour réussir. Et tu fais simplement les circuits routiers cette année. Est-ce que de voir la possibilité pour une saison complète dans les prochains mois, pour peut-être l'année prochaine, là, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait de vraiment faire la saison complète? Bien, c'est sûr que mon expertise est plus axée sur les circuits routiers. Honnêtement, les ovales, je sais pas si c'est quelque chose qui m'intéresse à 100%. Le championnat mm-hmm. complet, c'est sûr que si je voyais ma carrière se diriger plus vers la stock car tout le temps, puis me dire, OK, c'est là-dedans que je me lance, puis je retourne plus en Europe ou je retourne plus dans rien d'autre. Peut-être que je m'enligerai là-dessus. Je dis, OK, je vais passer un budget pour faire ça. Mais là, présentement, mes circonstances sont plus axées sur le security, acquérir des nouvelles expériences de voiture, puis c'est un peu pour ça que je suis en Penty. C'est pour aller chercher d'autres expériences aussi en termes de voiture, en sport auto. Mais c'est sûr que, tu sais, si on avait un petit peu plus de budget pour faire ça complète, je serais peut-être partant, mais j'aime mieux avoir un gros budget de circuit routier mm-hmm. qu'un petit budget de saison complète puis pas être capable de compétitionner partout. Mais justement, de ce côté-là, toi, t'as vraiment vu l'envers quasiment des deux décors, l'Europe puis ici au Canada. Qu'est-ce qui est quasiment le plus facile côté commanditaire? C'est-tu l'Europe? C'est-tu Stock Car ici? Non, l'Europe, c'est vraiment impossible d'avoir des commanditaires mm-hmm. à moins d'être connecté dans une grosse multinationale ou un supporter olympique, par exemple, c'est comme McDonald's Canada, oui, Air Canada, des compagnies qui vont vraiment à l'international. Ben, côté monétaire, c'est tout l'argent de ta famille qui va dépendre de ta série dans laquelle tu vas choisir, que ce soit au Japon, en Europe ou partout ailleurs dans le monde d'Amérique du Sud. Mais quand tu viens ici au Canada, pour moi, ça a été un petit peu plus plus facile de trouver mm-hmm. des commanditaires. Pour le Québec, pour le Canada, parce que, bon, comme je te disais, c'est la série la plus professionnelle dans ce Canada. Oui, oui, oui, vraiment. Donc, tu vas chercher un leverage qui est beaucoup plus facile que l'Europe, mais c'est pas quelque chose qui est extrêmement facile pour les gens qui veulent se diriger vers l'Europe. Moi, j'ai une chose à dire. Si les pilotes se leur tendent d'aller en Europe et acquérir de l'expérience, c'est la meilleure chose qu'ils pourraient jamais faire de leur vie, parce que moi, même avec les mes aventures que j'ai eues. Ce soir, j'ai tellement appris là-bas que je suis arrivé dans certain. Le Tennessee, puis ça a fonctionné tout de suite. Là, mm-hmm. Donc, t'apprends à jouer contre les meilleurs. Là, donc, mais oui, le Pentis, c'est ça, je suis content. En plus, je suis quand même plusieurs pilotes qui sont là. On est quand même fiers de courir pour un gros commanditaire comme ça qui s'implique dans la série, qui promouvoit la série. Puis, tu sais, comme j'écoutais un petit peu tantôt ce que tu disais sur le karting, là, mm-hmm. qui coûte extrêmement cher à rouler. Souvent, les jeunes, ils restent trop longtemps en karting. Exact, oui. Puis ça leur coûte beaucoup, beaucoup trop cher. Tu parles souvent des saisons. J'ai beaucoup d'amis en Europe, moi, qui courent en karting, qui dépassent un demi-million, 600 000 $ ah, sans ouais, karting. C'est très, très cher. Hein? Donc, ben c'est ça. Donc, tu sais, ça, c'est pas mal beaucoup d'argent. Si tu penses avoir une carrière à long terme, mais c'est bien d'avoir beaucoup d'argent. Eh bien, Patrick, on va te souhaiter la meilleure des chances, vraiment le meilleur résultat que tu souhaites avoir pour cette fin de semaine. Toi, tu t'attends à quoi? Top 5, top 10, podium? Ben moi, je vise le meilleur résultat possible. Ouais. Si c'est gagné, c'est gagné. Si ma voiture donne une performance d'un top 5, je vais faire un top 5. Si je suis capable de chier le podium et me battre, il n'y a aucune raison pourquoi j'irais pas me battre à l'avant. Si on est qualifié à l'avant, tant mieux. Mais j'ai toujours couru dans l'optique de gagner. Puis pour moi, gagner, c'est donner le meilleur de moi-même. Mais oui. Si je peux gagner, c'est la plus longtemps du podium. Je vais le faire pour l'équipe, surtout. Eh bien, on te souhaite la meilleure des chances. On va se voir du côté de Toronto. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec nous. Merci à toi. Merci. Et comme le Patrick le disait, bien c'est pas fou ce qu'il dit. C'est extrêmement chérant que ce soit en karting, que ce soit en Europe. Et je suis vraiment très contente de voir cette vision-là des commanditaires ici au Canada sur les stock cars. Bien souvent, on va dire à plusieurs jeunes pilotes que la formule gagnante, quasiment, c'est justement la monoplace puis tout ça. Puis on n'ouvre peut-être pas assez cette option-là de stock car à nos jeunes qui veulent arriver à faire autre chose. Mais d'entendre Patrick Dussault dire que lui, justement, entre l'Europe et ici, ce qui était quasiment plus avantageux, c'était de courser en stock car ici cette année. Mais je suis vraiment très contente de voir que le sport va bien au Canada. Yeah! Merci! Pour ce qui est de nous, eh bien, on est quasiment à la fin de l'émission. Il reste approximativement 3 minutes et j'ai vraiment le goût de faire le fameux tour du web avec vous assez rapidement. Déjà en partant sur le site internet de fr.motorsport.com dans la section québécoise, rappelez-vous, parce qu'il y a maintenant une section québécoise et canadienne au site internet, eh bien, vous pouvez voir un contenu spécial, un article sur le contenu du coffre à outils d'un mécanicien de Formule 1. C'est un article qui a été écrit par René Fagnan d'ici, pas à Trois-Rivières, mais au Québec, bien évidemment. Et on parle de la nouvelle génération de voitures de Formule 1 qui est très, très, très complexe. Donc, il serait vraiment normal dans cette optique-là que les outils nécessaires soient eux aussi vraiment très sophistiqués. Par contre, semblerait que le coffre à outils d'un mécanicien de Formule 1 reste très, très, très basique. Alors, si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Sur le site internet de poleposition.ca, on parle du Toronto Indy. On parle du Toronto Indy, mais des Québécois qui y seront et des Québécois hors course NASCAR. Donc, tout à l'heure, je vous disais, la NASCAR Canada va être là. Bien évidemment, je pense que c'est cette série-là qui va comporter le plus grand nombre de pilotes québécois. Mais si on regarde les autres séries, il y a simplement 3 Québécois en action cette fin de semaine du côté de Toronto. Il y a plusieurs séries, entre autres l'IndyCar, Indy Light. Il va y avoir Pro Mazda, Formule 2000 américaine, Porsche GT3 canadienne et la série NASCAR Canada. Bref, on encourage vraiment cet événement-là parce que ça met de la map toutes les séries canadiennes qui y seront. Donc, Alex Tagliani, qui n'est pas engagé en IndyCar pour en fin de semaine. Par contre, il y a l'Ontarien James Inchcliffe. J'essaie de voir les noms très, très rapidement. Il y a Martin Harvey qui va courser en Porsche GT3 canadienne. Il y a Chris Green qui va y être. J'ai l'impression aussi que c'est là qu'on va retrouver peut-être le plus grand nombre de pilotes québécois. On a pu voir aussi à l'œuvre Étienne Borgeat, Valérie Chiasson en coupe GT3 canadienne. Mais malheureusement, les deux pilotes ne vont pas participer participer à l'événement cette fin de semaine. Ils étaient déjà inscrits et publiés. Par contre, l'absence d'Étienne a été confirmée par le pilote lui-même. Donc, il n'y sera pas. Et Valérie Chiasson a connu, elle aussi, qu'elle n'allait pas courir de ce côté-là, du côté de l'événement. De jamais ça vous intéresse, celui-là aussi, je vais le mettre sur la page Facebook d'En Piste avec Tania Baudin. Sur le site flagworld.com, on parle de Jean-François Dumoulin et du circuit de Toronto. Il serait un circuit mythique pour le pilote trifluvien. Jean-François qui n'en est pas à sa première épreuve du côté de Toronto. On le sait, Jean-François Dumoulin est un pilote qui a coursé dans plusieurs séries différentes et qui est un grand champion. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que Jean-François Dumoulin est un pilote extrêmement talentueux et qu'il est un coach hors pair. Mais bon, tout ça pour dire que Toronto est un circuit vraiment mythique pour le pilote trifluvien. Et du côté du site internet canadiancartingnews.com, je vous ai parlé du site internet tout à l'heure en parlant de mon ami journaliste Cody Schindel. Eh bien, on apprend que Jeffrey Kingsley et Marco Signoretti vont être ajoutés à l'équipe Canada pour la finale du Rotax World Champion. Alors, de ce côté-là, c'est vraiment les gars ont su y aller à plat de couture du côté de la Floride et du côté des États-Unis. Ils ont pu très bien se classer durant les deux dernières épreuves je pense que c'était le... Attention, le Rotax Max... Winter ou Florida Winter Tour, voilà. Alors de ce côté-là, c'est vraiment les deux pilotes canadiens qui viennent s'ajouter à l'équipe et il y a plusieurs autres pilotes qui devront s'ajouter au courant de la saison. Entre autres, tout à l'heure, je parlais de la série Ici qui est ici. Tous les pilotes qui vont être qualifiés devraient être en temps normal qualifiés pour l'équipe Canada. Alors on va suivre ça de très près. Et nous, c'est déjà la fin de l'émission d'En Piste avec Tania Baudin cette semaine. Je vous l'avais dit, je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux. C'était une émission chargée quand même. On a été absent pendant deux semaines, mais je suis très contente qu'on soit revenu comme ça avec un gros show, disons-le, parce que des fois, ça prend ça et on aime ça. Que voulez-vous? Alors, on se retrouve la semaine prochaine et on va se laisser avec Sweet Mama, mais restez en onde parce qu'à 15h, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante.